الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc il y a un frère qui a posé cette question. Est-ce qu'on peut parler de en profondeur du manhaj des Ikhwan et de leur da'wa, leur origine, expliquer leur fondement, le fondement de leur da'wa et sa fausseté, et leur implication dans les troubles qui touchent le monde musulman, leur fausse méthodologie de la réforme par la prise du pouvoir, et ainsi de suite. Donc, yani, alhamdoulillah, on va essayer de clarifier, donner quelques réponses à ces questions-là, pour aider les frères et les sœurs à connaître le danger de ces idéologies-là, et de qui sont prêchées par ce groupe. Donc, on va faire un petit résumé des grandes lignes auxquelles on doit faire attention par rapport à ce groupe. Premièrement, leur origine, on a parlé déjà plus tôt dans une autre conférence de leur fondateur, Hassan al-Banna, qui était un soufi, qu'on a expliqué, de la tariqa al-Hisafi al-Shaziliya. Et dans ses écrits, il a mentionné qu'il a eu une éducation soufie, et rempli d'innovation et de contradiction avec la aqida du tawhid. On n'a jamais trouvé dans sa vie, premièrement c'était pas un savant de l'islam, on n'a jamais étudié avec des ulama de l'islam, et non seulement ça, il n'a pas été connu comme quelqu'un qui a appelé au tawhid durant sa vie. Au contraire même, il ne voyait aucun problème au fait de faire le tawassul, c'est-à-dire le fait de chercher l'intercession des hommes pieux et des hommes saints qui sont morts et qui sont dans leur tombe. Il a dit que ça fait partie des divergences de fiqh. Il n'a pas classé ça parmi les questions d'aqida. Et il n'a jamais dénoncé non plus les innovations et les bid'ah qui étaient pratiquées à son époque, comme le maulid et d'autres innovations. Donc l'adoration des tombes, ça c'est quelque chose qui est connu là-bas en Égypte. La tombe de Hussein. Il y a des gens qui vont là-bas faire des hajj, des pèlerinages chaque année là-bas. Et la tombe de Zainab et de Al-Badawi et d'autres parmi ceux qu'ils prétendent être des awliya, ils vont à ces tombes-là pour les adorer en dehors d'Allah. Donc où est-ce qu'elle est la da'wa au tawhid? On a expliqué que le premier principe de la réforme, c'était l'appel au tawhid. Où est-ce qu'elle est ce premier principe de la réforme dans la da'wa de cet homme? Hassan al-Banna a fondé sa jama'a à la suite de la chute de l'Empire Ottoman. Et donc ils ont dit, bon maintenant ça y est, on a plus de khilafa soi-disant. Ou bien, parce que pour être franc avec vous yani, qu'est-ce qui restait du khilafa, c'était bien peu de choses. C'est pas pour dire qu'à l'époque des Othmaniyins, il n'y avait pas non plus une grande importance pour le tawhid et pour l'aqida et pour la da'wah au tawhid à cette époque-là, et l'application de la charia non plus. Donc c'était quelque chose qui était devenu très très très faible là-bas. Il manquait très peu de choses pour que l'Empire s'écroule, yani par lui-même. Mais bon, l'Empire par la suite a été aboli par Kamal Atatürk, comme vous savez, et Hassan al-Banna a dit, maintenant ça y est, maintenant qu'il n'y a plus de khilafa, il faut ramener le khilafa. Et donc c'était un effort à la base qui était un effort établi sur la question et sur les principes politiques. Ils voulaient ramener le khilafa selon ce qu'ils prétendaient. Et donc ils ont établi cette jama'a comme étant la jama'a des musulmans. Ok? Donc, comme on a vu que le premier principe de la réforme, c'était les questions qui ont rapport avec la aqida. Et qu'il faut donner l'importance au tawhid et à la réforme de la aqida des musulmans. Comment on pourrait croire que ces gens-là amènent une réforme alors que ils sont les premiers, le fondateur lui-même, à avoir une aqida qui est contraire à la aqida des salaf salih. Dans son manhaj et dans son suluk et dans sa façon d'adorer Allah, il suit des bid'ah et la méthodologie des soufis, déjà en partant. Dans les asna wa sifat, il fait partie des mufawwida parmi les asha'ira, ceux qui disent qu'on ne peut pas comprendre les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur signification. et qui n'affirme pas les attributs qu'Allah s'est affirmé à lui-même. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-Rahman ou ala al-Arsh istawa, que le tout miséricordieux s'est élevé au-delà de son trône, au-dessus de son trône, eux, ils n'acceptent pas ça. Ils refusent de l'affirmer. Ils disent on ne peut pas dire ça à propos d'Allah. Comment Allah il le dit, puis toi tu dis on ne peut pas dire ça à propos d'Allah. Subhanallah. Allah il ne sait pas comment se décrire. Donc ça c'est l'exemple de l'égarement et de l'erreur de ces gens-là dans l'aqidah, dans les questions de l'aqidah. Donc la question de tawhid al-ibadah et tawhid al-asma wa sifat, on la retrouve même pas dans la da'wah de ces gens-là. Et non seulement ça, mais quand ils appellent des gens à entrer dans leur rang et à accepter leur da'wah et leur méthodologie, ils ne vérifient pas, ils n'essaient pas de savoir est-ce que cette personne-là qui accepte notre jama'a ou d'entrer dans notre jama'a, est-ce que sa aqida est en accord avec la aqida de Ahl al-Sunnah wal Jama'a ou non? Ils ne vérifient pas. Et donc parmi eux, vous pouvez trouver des gens qui ont toutes les tendances, toutes les croyances, toutes les idéologies, sans distinction. Et même, ils acceptent même les chrétiens et les juifs dans leur jama'a. Donc ça, c'est des exemples qui montrent que ce n'est pas une jama'a qui a comme principe les principes de la réforme islamique. Les principes qu'ils ont, ce sont des principes politiques. C'est un parti politique, comme vous pouvez retrouver des partis politiques dans les pays occidentaux. Vous allez trouver dans un parti, en Europe ou en Amérique, un parti démocrate, un parti républicain. Dans ce parti-là, il peut y avoir des chrétiens, il peut y avoir des juifs, il peut y avoir des athées, il peut y avoir des gens qui adorent Bouddha ou d'autres divinités ou d'autres idoles. Et donc, ils ne vont pas prendre ou faire attention à la croyance des membres qui sont dans leur parti. Eh bien, les Ikhwan, c'est un petit peu comme ça. Ils acceptent des gens parmi les musulmans qui ont toutes les croyances et toutes les tendances. Que ce soit des Khawarij qui font le takfir, que ce soit des Soufis qui ont la aqidah de Wahdatul Wujud, ou bien qui croient en Al-Hulul, ou bien qui ont d'autres déviations, ou qui croient en des innovations et des superstitions et des bid'ah, ils les acceptent tous. Ou que ce soit des gens qui ont des idées philosophiques et qui veulent interpréter l'islam selon la philosophie, ou qui sont des modernistes, et même parmi eux il y a des musulmans qui font même pas la salat, hein, et qui contredisent les ordres de l'islam qui sont apparents et clairs. Parce que pour eux, ça, c'est pas important. S'ils voient un musulman qui font des péchés, ils vont dire, c'est pas important. Notre priorité, c'est d'établir un État. Et les autres choses sont des détails. Et on va s'en occuper par la suite. Quand on va établir l'État, là, après, on va parler de halal et de haram. Si les femmes sont pas voilées selon les règles de l'islam, c'est pas grave. On va pas parler de ça maintenant. Si quelqu'un se rase sa barbe, ah, ça, c'est pas grave. On va pas parler de ça maintenant. Parce que ça va diviser les gens. On va pas parler d'aqida, parce que si on parle d'aqida, ben ça va diviser les musulmans. Si on parle de tawhid, ça va diviser les gens. Si on parle de tous les principes de fondement de la sunna, ça va diviser les gens. Donc ils se taisent et ils laissent passer tout. Et parmi leur voix aussi, c'est la da'wa à la démocratie. Ils appellent à la démocratie. Et vous connaissez la méthode de la démocratie, comment ça fonctionne. C'est d'avoir le plus de votes possible. Donc si quelqu'un veut avoir des votes, il doit dire aux gens ce que les gens veulent entendre. Parce que s'il dit aux gens des choses que les gens n'acceptent pas ou n'aiment pas, personne ne va voter pour lui. Même si ce qu'il dit c'est la vérité. Donc ils vont se taire. Et ils ne vont pas appeler à la vérité parce que c'est contre qu'est-ce que la masse ou qu'est-ce que les gens aiment entendre. Ils vont pas dire, par exemple, les choses de la vérité par rapport au tawhid, par rapport à l'aqidah, par rapport aux obligations et aux interdictions, par rapport aux principes et aux akhlaq de l'islam. Ils vont se taire sur ces choses-là. Et ils vont essayer de faire plaisir à tous les groupes et à tous les individus pour faire en sorte qu'ils aient le plus grand nombre de votes possible. Et ça, c'est une attitude qui n'est pas sincère. Et donc, comment quelqu'un qui agit de cette manière peut prétendre qu'il essaie de faire une réforme? Est-ce que c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la réforme à son époque? Est-ce que c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les hommes à l'islam? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé sa da'wa, les Arabes de la Mecque, de Quraysh, ne voulaient rien savoir de sa da'wa. Et ils commençaient à l'insulter, à se moquer de lui, et à lui lancer des pierres, et à l'insulter, et à lui donner toutes sortes de noms. Est-ce qu'il a dit, ah, je vais changer ma méthode, parce que les gens n'acceptent pas mon message, je vais changer mon message maintenant. Je vais accepter certaines choses pour faire plaisir aux gens, pour que les gens m'acceptent et pour que les gens m'aiment. Et une fois que les gens commencent à m'aimer, là après je vais leur dire la vérité par la suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à appeler à la vérité, à appeler au Coran, à appeler à la Sunna pendant des années et des années, malgré que les gens rejetaient son message, et il a été patient et endurant face à l'opposition et face à l'adversité, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala ouvre le cœur des hommes et que l'islam se répande partout dans la péninsule arabe et par la suite plus loin encore. Donc ça c'est la méthode des prophètes et c'est la voie des prophètes de commencer par le tawhid, de commencer par l'islam et de rester ferme sur les principes de l'islam et ne pas essayer de faire des compromis et de transiger dans la religion pour faire plaisir à X ou à Y parmi les individus. Parce que la majorité des gens aiment suivre leur passion et aiment suivre leurs désirs. Donc ces gens-là, ils ont compris ça et donc ils disent, bon, on va pas parler de différentes choses qui déplaisent aux gens. D'accord? Donc ça, c'est quelques exemples qui nous montrent que ces gens-là ne respectent pas les principes de la réforme, selon la voie de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Ils font la réforme, ils veulent faire la réforme de la société avant de réformer les individus. Ils appellent à des méthodes politiques et économiques, des choses pour changer la société avant d'essayer de réformer les individus. Contrairement à la voix du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'on a mentionné tout à l'heure. En ce qui concerne la science, est-ce que vous voyez que les gens qui sont à la tête de ce mouvement sont des ulama de l'islam? Jamais de la vie. Est-ce que vous connaissez qui est le chef des Ikhwan al-Muslimin actuellement dans le monde? Le al-Murshid, celui qui est le Murshid al-Am aujourd'hui? Mais moi je vais vous dire franchement, je ne le connais pas. Et je pense que la plupart d'entre les musulmans sur la terre, ils ne savent pas non plus qui il est. Et une chose est certaine, il ne fait pas partie des ulama de l'islam. Et allez sur le site officiel des Ikhwan, et vous allez voir qui il est. Et vous allez voir sa photo et son visage. Et vous allez voir la photo de tous les ceux qui ont été des murshidines pour ce groupe et cette jama'a. Et vous allez voir qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam. Ils sont des musulmans, mais ils n'ont rien à voir avec la science et le ilm. Ce sont des docteurs en médecine, des docteurs en des ingénieurs, des trucs de ce genre, des gens qui ont des diplômes dans la dunya. Mais dans la science de l'islam, aucune référence. Et des gens de Ahl-Sunnah, ils basent leurs actions et leurs paroles sur la science. Et donc, ceux qui sont à la tête, pour eux, sont les ulama. Et ils retournent aux ulama et ils mettent les ulama de l'avant. Parce que ce sont eux qui ont la connaissance du Coran et qui ont la connaissance de la Sunna. Pas des gens qui ont une grande connaissance des aspects de la dunya, mais qui ne connaissent pas comment plaire à Allah et comment adorer Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est une grande différence. Et c'est un grand signe que, comme on a dit, que ces gens-là ne suivent pas la méthode de la Sunna pour faire des réformes dans la société. Et quand vous voyez les prêcheurs qu'ils invitent pour donner des conférences et des discours au Canada ou en Europe, des fois, c'est trompant, je me souviens dans certaines de leurs conférences, on lit « Docteur un tel est invité pour donner une conférence ». Alors quand quelqu'un lit une chose pareille, il lit « Docteur X ou Docteur Y vient donner une conférence », alors on s'imagine que c'est un docteur en sciences islamiques, que c'est quelqu'un qui a une base en islam, qui a étudié la religion d'Allah. Et pourtant, on apprend par la suite que c'est un docteur en chimie qui vient pour donner une conférence sur l'islam. Et Ali, je ne dis pas que s'il a étudié la charia et l'islam et qu'il a une base dans l'ilm, puis que il a en même temps la connaissance des sciences de la dunya, alhamdoulilah, ça c'est un bien. Mais ce n'est pas le cas souvent. C'est des gens qui sont formés dans une éducation de la dunya et qui veulent s'improviser des savants, qui veulent s'improviser des penseurs islamistes. Et quand vous les entendez parler, ils ne se réfèrent jamais ni au Coran, ni à la Sunna, ni aux paroles des ulama de la Umma. Ils ne font qu'émettre des idées et faire débiter des paroles de leur bouche sans jamais mentionner le Coran et de Sunna. Et comme le frère il a parlé tout à l'heure de Tariq Ramadan, eh bien un de ceux-là c'est le meilleur exemple, c'est Tariq Ramadan. Une fois il parlait, il parlait dans une de ses conférences, il dit, ma fille, rahimahullah, elle écoutait une chanson une fois, il dit, je ne veux pas faire de la publicité pour les chanteurs, mais elle écoutait une chanson une fois, puis ça l'a ému. Il dit, puis cette chanson-là, ça parlait de la relation d'un père avec sa fille, et puis qui lui disait qu'il l'aimait. Et il dit, bien entendu, vous savez que je parle de Cabrel. Et puis, il dit, cette chanson, c'est peut-être pas une chanson islamique, il n'y a pas Alhamdulillah du début à la fin qui est dit, mais tout ce qui est dans cette chanson-là est à un sentiment et un esprit islamique. Subhanallah, il dit, après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il y en a qui pensent qu'une conférence islamique se mesure au nombre de hadiths et de versets qu'on a cités dans cette conférence. Et donc, il dit, ça c'est faux, c'est pas vrai. Il dit, tu peux faire une conférence sans mentionner aucune des références du Coran, des textes du Coran et de la Sunna, et tout ce qui est de raisonnement dedans est islamique. Donc ça veut dire, et c'est le cas lorsque vous écoutez ces conférences. Vous n'entendez aucune mention de texte, aucune mention de Coran ou de hadith. C'est seulement ces idées qu'il donne, c'est sa pensée et sa philosophie. Est-ce que ça c'est la voie des ulama? Est-ce que ça c'est la voie d'Ahl Sunnah? Et donc c'est ça l'exemple de ces penseurs, de ces gens qui parlent de la religion mais qui n'ont pas de science de l'islam. Donc ça fait partie des choses qui nous indiquent que ces gens-là ne suivent pas la méthodologie de Ahl Sunnah wal Jama'a dans la réforme. En ce qui concerne de suivre la voie des salafs dans leur aqida et dans leur méthodologie et dans leur manhaj, et bien ça, comme on en a parlé tout à l'heure, on voit qu'ils n'ont aucune notion de ces choses-là. Certains d'entre les ikhwan, vous les entendez dire aujourd'hui que les juifs et les chrétiens sont des croyants, sont nos frères. Hein? Et parmi eux, il y en a qui disent qu'il ne faut pas faire de distinction entre les musulmans, soufis, chiites, khawarij ou autres. Tout le monde sont musulmans, il ne faut pas faire de distinction. Il faut accepter la diversité, il faut accepter le pluralisme, il faut accepter la divergence. Et un de leurs slogans, que vous connaissez probablement, c'est نَجْتَمِعُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِي مَا اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ وَيَعْذُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِي مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ. C'est-à-dire, on va coopérer entre nous dans les choses sur lesquelles on est d'accord, et on va s'excuser les uns les autres sur les choses sur lesquelles on diverge. Même si les choses sur lesquelles on diverge ont rapport avec les fondements de l'islam, c'est pas grave, on s'excuse. Même si quelqu'un fait du shirk, même si quelqu'un fait des bédards, même si quelqu'un est en train de suivre une secte ou une idéologie contraire à l'islam, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a en commun? Qu'est-ce qui nous réunit? Hein? Des idées, des projets économiques, des projets politiques qu'on a en commun. On veut amener de la justice sociale, on veut amener des choses comme ça. Et donc, eux, ils prennent ça comme un point de repère qu'ils ont en commun, puis ils disent, les autres choses qu'on a comme divergence, ça c'est pas important. Hein? Et donc ça c'est grave. Ils disent, il faut pas regarder ce qui nous divise, il faut regarder ce qui nous unit. Et ils disent ça à des chrétiens, ils disent ça à des juifs, ils disent ça à des athées, ils disent ça à des laïcs, ils disent ça à des socialistes, ils disent ça à des gens de bid'a, des chi'as, hein, qui insultent les sahaba, qui inventent des morts en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent ça à des soufis, hein, qui suivent toutes sortes de superstitions et de mensonges et de contradictions avec l'islam. Donc ça, c'est des exemples de la voie de ces gens-là. Maintenant, dans la méthodologie qu'ils utilisent pour amener leur soi-disant réforme, on voit qu'ils utilisent, comme on a dit tout à l'heure, la démocratie, avec tout ce que ça implique de contradiction avec l'islam. Et par la suite, ils utilisent les coups d'État parfois, le terrorisme, hein, et toute autre technique qu'ils peuvent imiter parmi les techniques qu'ils ont héritées des koufars, qui ne font pas partie de l'islam. Hein? Et donc ça, c'est des choses qui nous indiquent que ces gens-là, ils ont contredit tous les points parmi les points de la réforme de l'islam, et selon les gens d'Ahl al-Sunnati wal-Jama'a. Ils n'appellent pas à l'aqidah d'Ahl al-Sunnati wal-Jama'a. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas diviser les musulmans, soi-disant. Donc je pense que après tout ce que je viens de... Ah oui, pour terminer, juste un dernier point, c'est que on peut constater tous, chacun d'entre nous, les résultats de des effets de cette jama'a. C'est pour ça qu'il y a un des ulama de l'islam qui est décédé actuellement, Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, quand il parlait des ikhwan al-muslimin, il disait al-ikhwan al-muflisin, les frères de la faillite. Pourquoi il les appelle les frères de la faillite? Parce que depuis le temps qu'ils ont été fondés dans leur jama'a, jusqu'à aujourd'hui, depuis 1928 jusqu'à aujourd'hui, ils veulent soi-disant établir un État islamique, et jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'ils ont fait pour y arriver a échoué. Ils ont essayé par tous les moyens, ils n'ont jamais rien établi. Et ils ont causé plus de tort aux musulmans et à l'islam que parfois les ennemis de l'islam qui sont des ennemis ouverts. Hein? Et on a vu qu'est-ce qui est arrivé en Égypte, on a vu qu'est-ce qui s'est passé en Syrie, hein? On a vu qu'est-ce qui s'est passé en Algérie, on a vu qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan, hein, quand ils se sont introduits parmi les différents groupes de Mujahideen, comment ils ont utilisé leur ruse pour prendre le contrôle, et puis transformer cette da'wa qui était à la base, hein, comme pareil, je ne sais pas si vous avez entendu de Jamil al-Rahman, vous avez entendu parler de Jamil al-Rahman. Jamil al-Rahman était dans une région de l'Afghanistan qu'on appelle Konar. Et dans sa région, il avait ouvert plus de 200 écoles dans lesquelles il enseignait le Coran et le Tawhid et l'Aqidah et le Sul al-Salata et le Kitab al-Tawhid. Et il appliquait la charia dans sa région. Ils se sont mis ensemble et puis sont partis pour le tuer. Donc, ça c'est pour vous montrer, yani, le résultat de ces gens-là. Comment ils travaillent et comment ils agissent. D'accord? Ce sont des gens rusés. Et donc il faut faire attention à ça et de voir le résultat de ce qu'ils ont fait à travers les pays musulmans, à travers le temps. Donc je pense que, qu'est-ce que j'ai mentionné jusqu'à maintenant, je pense que ça c'est un petit résumé suffisant. Mais si vous voulez savoir plus de détails à leur sujet, il y a des livres qui ont été écrits par les ulama de l'islam de l'époque contemporaine qui clarifient en détail les problèmes et les contradictions et les erreurs de cette jama'a, et qui mentionnent avec les références de leurs livres et de leurs textes ce qu'ils font et ce qu'ils disent qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna. Et vous pouvez, Inch'Allah, yani, probablement que le frère Ismaïl, hein, il est au courant, il connaît ces livres-là, et il pourrait, Inch'Allah, vous en faire part, vous mentionner les titres. Et yani, il y a même des traductions qui ont été faites par des frères de la da'wah qui sont en France et ailleurs, qui ont clarifié également leurs égarements et leurs dangers. Donc c'est bien important de ne pas se laisser séduire par les beaux slogans et les belles paroles des prêcheurs, et de revenir à la compréhension des salaf salih pour être sauvé dans cette vie et dans l'au-delà. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. نعم. بارك الله فيك أخي إسماعيل. الحمد لله. Donc ensuite il y a d'autres questions qui ont été posées. Reprendre la clarification de la question de faire ou de dire la vérité à un dirigeant et comment faire la nasiha au dirigeant. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Je pense que qu'est-ce qu'on a expliqué durant la conférence a été clair du fait qu'on doit dire la, ici, de dire la vérité au dirigeant, c'est de le dire en sa présence, lorsque quelqu'un a la possibilité d'aller le rencontrer, lorsque quelqu'un est dans la proximité de ce dirigeant-là, qu'il a accès à ce dirigeant-là, il va le voir et lui donne la nasiha. Si c'est pas possible pour lui d'aller voir le dirigeant directement, il peut voir quelqu'un qui est proche de lui pour lui donner le conseil. Et cet individu-là va aller transmettre la nasiha au dirigeant pour lui. Naam. Donc ça c'est des exemples. Et comme le bien entendu, c'est pas tout le monde qui a accès au dirigeant. Mais c'est pas n'importe qui non plus qui donne la nasiha au dirigeant, mais c'est quelqu'un qui a accès à ce dirigeant-là. Et qui peut aller le voir et qui va lui donner la nasiha en privé. Hein, comme on a dit. Une deuxième question, c'était expliquer la réalité de la tariqa tijaniya. La tariqa tijaniya, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là, si on va en parler. Il y a beaucoup d'égarements dans cette tariqa. Des exemples de contradictions au Coran et à la Sunna. Et j'ai donné à Montréal une série de cours sur la réalité du soufisme en 15 cours. Et donc je vous ramène ou je vous conseille de retourner à ces cours-là pour savoir les détails de la réalité de cette tariqa, si jamais le frère Ismaïl veut vous donner quelques clarifications à ce sujet-là, il pourra le faire. En ce qui concerne la réalité de la Jama'a at-Tabligh, on en a déjà parlé aussi dans les autres conférences également. Et lorsque je retourne à Montréal, Inch'Allah, juste avant de venir ici, à Paris, j'ai mis la main sur un livre, Masha'Allah, écrit par un des mashaykhs qui s'appelle Sultan Al-Aid, qui est un petit livre très simple qui explique les problèmes dans le manhaj et dans la voie de cette jama'a, de jama'a at-Tabligh. Donc, à mon retour au Canada, Inch'Allah, j'ai l'intention de commencer à faire l'explication de ce livre-là en français, Inch'Allah. Et donc, aussitôt que je l'aurai fait, je vais le mettre sur Internet et mes frères ici pourront le télécharger et puis le distribuer parmi vous. Comme ça, vous aurez un peu plus de compréhension et ce sera beaucoup plus approfondi et donc plus fort dans la conviction. C'est-à-dire, vous allez pouvoir être convaincu de manière plus profonde, plus stable, Inch'Allah. Et l'autre question, c'était la science avant la parole et les actes. De quelle science s'agit-il? Bien sûr, il s'agit de la science du Coran et de la Sunna, et non pas des autres sciences de la dunya. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle au sujet de la science des kuffar. Il dit « Ya'lamuna zahiran min al-hayati al-dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun ». Ils connaissent les choses apparentes de la dunya, mais au sujet de l'au-delà, ils sont insouciants et indifférents. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des kuffars et il dit فَلَمَّا جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. En parlant des kuffars, il dit lorsque les messagers leur sont venus avec les preuves claires, ils se sont réjouis de ce qu'ils possédaient de science. Donc la science qu'ils possédaient, c'était autre que la science des prophètes. Et ils se réjouissaient de cette science et ils ne prenaient pas en considération la science qui vient de la révélation. Donc ça, c'est pour nous faire comprendre que la science dont on parle dans ces paroles des ulama, c'est de la science du Coran et de la science de la Sunna, hein, et comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Les autres sciences sont des sciences qui sont bénéfiques, Inch'Allah, si on les utilise dans le bien, hein, et que c'est un fard kifaya pour les musulmans de les apprendre, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un nombre suffisant de musulmans qui étudient ces sciences-là pour être capable de servir et de remplir les besoins des musulmans. Toutefois, quand on parle de la science de l'islam, hein, certaines sciences de l'islam sont fard ayn, obligatoire à chaque individu parmi les musulmans, tandis que d'autres sciences islamiques sont fardh ou kifaya aussi. Hein, c'est-à-dire, lorsque des musulmans vont se spécialiser dans certains domaines de la science islamique, ça c'est fard ayn, c'est fard kifaya, pardon, c'est pas fard ayn, c'est fard kifaya. Il faut qu'il y ait un nombre suffisant de musulmans qui sont spécialisés dans ces différentes sciences-là, mais c'est pas obligatoire à chacun d'entre les musulmans d'être spécialisé dans les détails de ces différentes sciences. Comme par exemple, les détails de la aqida et de réfuter les sectes et les groupes de bid'a. Ça c'est pas chaque musulman qui doit connaître ces choses-là. Il faut qu'il y ait suffisamment de musulmans qui connaissent ces sciences-là, qui sont capables de réfuter les gens de bid'a et de connaître leurs erreurs. Mais c'est pas obligatoire à chaque individu parmi les musulmans de connaître ces détails-là. Comme dans le fiqh, c'est obligatoire à chaque musulman de savoir comment faire sa prière, comment réparer les erreurs dans sa prière lorsqu'il se trompe, comment faire son wudu, comment faire son rosul, les choses qui sont obligatoires pour lui lorsque c'est le ramadan, connaître les règles du ramadan, lorsqu'il va faire son hajj, de connaître les règles du hajj, lorsqu'il va donner sa zakat, de connaître les règles de la zakat. Mais c'est pas obligatoire pour les musulmans de connaître tous les détails de la charia et les règles et les divergences entre les ulama, etc., etc. Ça, c'est fard kifaya. La même chose avec les autres sciences de l'islam. Donc, à ce sujet-là, ça c'est pour répondre à ce sujet. Est-ce vrai que sans Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Adam, alayhi salam, n'existerait pas? Ça, c'est probablement basé sur un hadith qui est maudou, hein, qui est un hadith qui est fabriqué, qui est mensonger, qui est faux. C'est pas un hadith authentique. Qui dit que, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, Adam s'est réveillé, puis, ou bien s'est levé, il a regardé sur le trône et il a vu le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il a dit, il a demandé à Allah qui est Muhammad. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, mais comment tu, où est-ce que tu as vu ça? Il a dit, j'ai vu que c'était écrit sur ton trône, hein. Et donc, à cause de ça, ils disent que, ils ont une histoire, en fait, à ce sujet-là, qui s'appelle An-Nur al-Muhammadiyya. Ça, c'est une histoire que les soufis propagent ou répandent parmi les gens. C'est qu'ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala a créé le monde par l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils disent que il a créé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à partir de sa lumière. Et donc, ils prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas d'ombre. Hein? Et, tout ça, ça n'a aucun fondement. Ça n'a aucune référence, ils n'ont aucune preuve de la sunna ou du Coran pour justifier ou prouver ces dires-là. Et, les ulama ont réfuté ces idées-là et ces fausses croyances au sujet du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas vrai, ces choses-là c'est des mensonges. Quel est le but du retour de Jésus? Quand on regarde dans les hadiths et dans les explications, dans le Coran et dans la Sunna, on voit que le prophète Isa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, pour une sagesse qu'il connaît, il a voulu que sa vie se termine dans le sens qu'il l'a élevé aux cieux. Et que vers la fin des temps, il va revenir. Et ça, c'est quelque chose qui est confirmé dans des hadiths et que c'est mutawatir. Hein, un grand nombre de hadiths ont prouvé ces choses-là. Et personne n'a le droit de renier ça ou de remettre ça en question. C'est quelque chose qui est authentique et qui est vrai. Et ça fait partie de la aqidah de Ahl Sunnati wal Jama'a d'affirmer ces choses-là, d'affirmer ce principe-là. Maintenant, il va revenir pour compléter la mission pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé. Mais il ne va pas amener une nouvelle révélation pour rien de nouveau. Lorsqu'il va revenir, il va suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il va prier derrière les musulmans, derrière l'imam musulman, et il va combattre le Dajjal et il va tuer les porcs et il va détruire les croix et il va abolir la jizya comme ça a été mentionné dans les hadiths authentiques à ce sujet. Et donc ça c'est la mention à ce sujet-là. Wallahu a'lam. Et le cheikh il dit ensuite, est-ce un devoir pour les musulmans de dialoguer avec les chrétiens et de les appeler à l'islam? Oui, c'est un devoir pour les musulmans qui ont la connaissance de dialoguer dans le sens que on veut les appeler à l'islam, les amener à croire en Allah subhanahu wa ta'ala l'unique et de cesser d'adorer autre que lui, d'arrêter d'adorer Isa alayhi salam, ou d'adorer sa mère Maryam, ou d'adorer les images, les croix et les saints. Oui, ça c'est une obligation pour nous, si on a la capacité et la connaissance de le faire. Mais si quelqu'un veut parler du dialogue, dans le sens qu'il veut juste essayer de parler ou dialoguer avec les chrétiens pour les faire accepter certains aspects de la croyance islamique, tout en restant sur leur croyance religieuse, ou d'arriver à faire des gens de compromis au sujet de la religion, ou l'appel à l'unité de la religion, hein, comme certains le font aujourd'hui, eh bien, dans ce cas-là, non, ça c'est pas un dialogue, hein, c'est pas basé sur le fait d'appeler les gens à la vérité. Ces gens-là, ils veulent juste dire, bon, on va pas vous critiquer, on va pas dire que vous êtes des koufars, mais vous, en retour, ne nous critiquez pas et ne nous blâmez pas ou des choses de ce genre. Et ils appellent les musulmans à délaisser ou à faire des compromis ou à abandonner certains aspects de l'islam. Comme s'ils vont dire, par exemple, de votre côté, on aimerait de votre part que les musulmans cessent de, par exemple, croire en, par exemple, le djihad. Ou on voudrait que les musulmans cessent de défendre certaines règles de la charia, comme par exemple la lapidation, ou le fait de couper la main d'un voleur, ou des choses de ce genre. Ou bien ils vont dire aux musulmans, on souhaiterait de votre part que vous appliquiez l'égalité entre l'homme et la femme dans tout, dans tous les aspects de la vie. Hein. Ou bien, on souhaiterait de votre part que vous cessiez de dire aux femmes qu'elles doivent se voiler selon les règles de l'islam, et que vous donniez à la femme la liberté et l'émancipation totale. Hein, ça, c'est des exemples de choses que les koufars, parmi les chrétiens et les autres, invitent les musulmans à faire, à laisser tomber les règles de l'islam pour les satisfaire et pour leur faire plaisir. Hein, et de dire, en fait, que il faut accepter les chrétiens tels qu'ils sont, sur leur mécréance et sur leur idolâtrie, il ne faut pas les critiquer, et de leur côté, les chrétiens, ils vont nous dire, oui, on est correct. Et ils disent que maintenant ils veulent faire les trois grandes religions monothéistes, comme ils appellent. Le christianisme, le judaïsme et l'islam sont les trois religions monothéistes selon ce qu'ils prétendent. Et nous on sait très bien que le monothéisme, c'est le tawhid. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Ma kana Ibrahimu yahudiyan wa la nasraniyan, walakin kana hanifan muslima, wa lam yakun min al-mushrikin, ou ma kana min al-mushrikin. » Donc, cette ayah, dans cette ayah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Abraham n'était ni un juif, ni un chrétien, mais c'était un musulman, un hanif, et il n'était pas parmi les mushrikins. Ça, ça veut dire que, pourquoi? Parce qu'il était avant Moussa, alayhi salam, avant la Torah. Donc, il ne peut pas être juif. Et il était avant Isa, et avant Al-Injil, donc il ne peut pas être chrétien. Et sa religion, c'était le tawhid, l'unicité d'Allah, et le rejet de l'idolâtrie. Il a combattu à son époque les idoles et les statues qui étaient adorées par son peuple. Il a appelé à l'adoration d'Allah seul, et à aimer et à détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la religion d'Ibrahim. Et non pas qu'est-ce que ces gens-là prétendent aujourd'hui, de dire on a tous Abraham en commun. C'est-à-dire que les juifs croient en Abraham, les chrétiens croient en Abraham, et les musulmans croient en Abraham, et donc c'est les fois ou les religions ibrahimiques, et donc on est tous des frères. Non. Parce que déjà comme on voit dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nie le fait que ces gens-là aient un lien quelconque avec Ibrahim. Ils n'étaient ni juifs ni chrétiens. Hein, il était sur le tawhid, sur l'islam. Donc, le dialogue avec les chrétiens, ça doit être fait dans le but de les appeler au tawhid, et de les appeler à délaisser et à abandonner l'idolâtrie, hein, et de cesser de prendre leur moine et leur rabbin comme des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'ils rendent halal ce que les prêtres ont rendu halal, et qu'ils rendent haram ce que les prêtres ont rendu haram, même si c'est contraire à l'islam, ou même si c'est contraire plutôt aux règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans leur propre religion, ils déforment la réalité même. Et a-t-on le droit de prier derrière les gens de bid'ah ou les gens qui font la bid'ah? Les ulama, ils ont parlé de cette question-là. Et il y a un livre qui a été écrit par un cheikh qui s'appelle Ibrahim al-Ruhayli, qui était sa thèse de doctorat, si je ne me trompe pas. C'était « Mawqifu ahl al-sunnah wal-jama'a min ahl al-bid'ah » ou « min ahl al-ahwa ». Et c'est une recherche qu'il a fait en deux volumes, vraiment approfondie. Il rentre en détail dans ces questions-là. Et donc si quelqu'un, comme le frère Ismaïl, Inch'Allah, ou les autres parmi les machaïfs ici, ont l'occasion de faire des cours sur ce livre-là, ce serait quelque chose de très bénéfique. Et pour répondre à la question, on doit comprendre que ça dépend du niveau ou du degré de bid'a que cet innovateur ou que ce mubtadir est en train de commettre. Si la bid'a qu'il commet est une bid'a qui atteint le niveau de kufr majeur ou de shirk majeur, hein, alors dans ce cas-là, c'est pas permis de prier derrière lui. Mais si la bid'a qu'il fait n'atteint pas le niveau de kufr ou de shirk majeur, dans ce cas-là, c'est permis de prier derrière lui. Mais bien entendu, si on a le choix de choisir une mosquée où il y a un imam qui est sur la sunna et une autre mosquée où l'imam n'est pas sur la sunna, alors la priorité c'est de choisir la mosquée dans laquelle il y a un imam qui est sur la sunna. Wallahu a'lam. Wa fika barakatuh.